Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Avortement, le pouvoir du médecin, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la journée du 8 mars qui scrute le droit des femmes et ce constat que parfois ces droits qu'on croyait acquis nous glissent entre les doigts alors qu'il faudrait juste avoir le choix. Alors pour commencer, les personnages, une femme enceinte, une patiente et une aide-soignante, une médecin qui voudrait faciliter, une femme dans ses souvenirs, une autre qui bat sa coulpe, des militants contre l'avortement et une juriste. Ensuite le décor, Saint-Denis, une maison des femmes, des paroles apaisantes, du gel, des échographies, de la délicatesse, des mauvais timings, le froid, des chuchotements, des spéculums, des moutons, la religion et la morale. Aujourd'hui, 4e épisode, je me souviens plus, des souvenirs indélébiles. Mais qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Que je recommence à jamais ça, c'est horrible. Je me rappelle du jour où j'y suis allée. Tout, franchement, c'est la dernière semaine, le jour où c'était. C'est que beaucoup de femmes partagent ça. Pour mon anniversaire, tout ce qui me reste, on va faire l'amour. C'est quand même très vieux. Parce qu'elles ont commencé à faire l'amour à 15 ans. Mais moralement, juste avant, j'ai été enceinte tout de suite. J'ai passé 3 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui me reste, c'est ça. Parce que c'est l'histoire des femmes. La douleur, et puis voilà. Je me rappelle, c'est des images, à vrai dire, des phrases, des mots assez séquencés. Cette même femme. Enfin, notre cœur qui bat et tout est assez brusque et rapide. On passe encore devant avec des frissons. Avortement, le pouvoir du médecin. Les choix des femmes. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. En fait, ça arrive jamais au bon moment. Jamais. Sans rien n'arrive au bon moment. Et vos règles, elles datent de quand? Du 8 octobre. D'accord. Il faut juste que je constitue un petit dossier. Du 8 octobre. Ouais. Elles viennent régulièrement d'habitude? Non. Non. Pourquoi elles y régulièrement? Bah, non, c'est pas que c'est irrégulier, mais j'ai des cycles super longs. D'accord. 34, 35 jours. C'est pour ça que j'ai attendu, je me suis dit, oh. Ouais. Et quand j'ai des tests, j'ai été persuadée que pour moi c'était négatif. Mais c'était positif, hein. Tout était positif pour moi au vu des signes que j'ai. Puis en fait, le signe qui m'a fait. Ce qui m'a fait faire un test surtout, c'est que j'ai eu un accouchement traumatique avec beaucoup de séquelles. Et pour le coup, je fais de la rééducation parce que j'ai une descente d'organes de niveau 3. D'accord. Et en fait, j'arrivais plus à faire mes exercices. D'accord. En fait, je sentais que ça poussait. Je me suis dit, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, mince, il y a un souci, quoi. Mmh. Ouais. Ça, c'était quand cet accouchement? 30 octobre 2018. 2018. Il y a un an. C'était où? À Bâle, en Suisse. D'accord. Il y a eu d'autres accouchements? Oui. Ouais. Oui. Deux garçons. Mmh. Un garçon avait 11 années. D'accord. Et un. Il a 2 ans. Deux. D'accord. Et ils vont bien, les deux? Ça va bien? Oui. Les garçons sont en bonne santé? Oui, c'est bon. Avortement, vous avez fait avant des avortements? Oui. Combien de fois à peu près vous savez? 15. 15, et c'était approximément. À peu près. Vous avez 37 ans. Ouais, presque 38 ans, le mois prochain. Vous fumez? Oui. Il y a d'autres consommations de toxiques? Non. D'autres. Dans votre famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies? J'ai ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui ont eu un cancer du sein. D'accord, donc grand-mère et arrière-grand-mère côté maternel? Oui. Et ma mère, là, il y a un an. À quel âge? Elle a 58. Et sa mère et son arrière et sa grand-mère? Ma grand-mère. Des âges un peu similaires? Ma grand-mère, elle avait 45 ans à peu près. Et mon arrière-grand-mère, c'était avant. Ok, d'accord. Bon, Mélanie Aurac. L'aspiration, elle est prévue. Médecin et responsable du planning familial de la Maison des Femmes de Saint-Denis. 8h45. Mardi, pas possible. C'est sûr, parce que nous, c'est le lundi et le vendredi. Ah bon? Ouais. C'est ça. C'est moi qui me suis mis vendredi le matin. Oui, c'est lundi. Oui, c'est très bien. Latifa, infirmière. Malheureux, aide-soignante. C'est 29. Mais non, c'est 29. C'est là qu'ils ont c'est bon. Non, c'est pas vous. Je vais simplement remettre. Est-ce que vous chantez? Oui, ça va? Ça va. Pour ça? Oui. Ça tire pas trop au niveau des... Non, ça va. Alors, ce qu'il va falloir, c'est bien vous relâcher. D'accord. En haut, vous avez un point pour fixer le point noir. Mm-hmm. On a des bleus. Vous allez penser à quelque chose pour vous aider un petit peu. D'accord. Allez ailleurs. Vous avez pas trop froid? Non, ça va. Non, ça va. Allez. Vous n'avez pas froid? Vous avez froid? Bien. Sinon, je vais vous chercher un petit drap si vous le souhaitez. Oui, c'est bon. D'accord, merci. Vous allez essayer un petit peu. D'accord. Là, je vais faire une petite toilette avec des compresses, donc c'est un petit peu frais. D'accord? Je peux y aller? Oui. Allez, je vais tout doucement. Vous respirez tranquillement. Prenez l'air par le nez et vous soufflez tout doucement par la bouche. Parfait. On va poser le spéculum. D'accord. C'est un petit peu frais aussi. Gardez tout, le bas du corps bien relâché. Là, on n'est pas chaud tout doucement. Voilà, continuez, respirez tranquillement. Tout se passe très bien. L'avortement, vous envisagez Moi, j'avais pensé, quand j'en ai parlé avec la sage-femme que j'avais vue pour l'échographie, moi, j'avais pensé à la ligature des trompes. Elle m'a dit que ça serait certainement pas accepté. Bah, pourquoi? Parce qu'elle a dit que j'étais trop jeune et que j'étais dans une relation récente. Oh là là, mais vous croyez qu'ils écrivent tout ça dans la loi? Bah, je sais pas, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle vous a dit, ouais, je comprends. Et moi, je suis sûre et certaine que j'en veux plus. Alors, vous pouvez tout à fait demander une ligature des trompes, bien sûr. Voilà, moi, c'est ce qui est... Oh, oui, bien sûr. Vous pouvez, lundi, quand vous viendrez, si vous souhaitez, au même endroit que le bloc externe, il y a la consultation de gynécologie, vous pourrez aller prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Okay, donc il y a un délai, super. Par contre, il y a un délai de 4 mois, vous savez, de réflexion qui est imposé par la loi. Oui, parce que c'est irrémédiable après, forcément. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de condition autre que d'avoir été informé et d'avoir pris le délai de 4 mois. Il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition d'antériorité de la relation. Mais c'est ce qu'elle m'a dit argument, entre guillemets. Mais quand même, comme il y a ce délai de réflexion, le délai toujours des rendez-vous, de l'organisation, est-ce que vous voulez essayer autre chose en attendant? Vous avez déjà envisagé quelque chose comme un stérilet? Ben oui. Parce que là, l'aspiration, c'est l'occasion. On peut mettre le stérilet en même temps si vous souhaitez. Ah oui, on peut le faire dans la foulée? Ben oui. Ah bah ben parfait. On fait ça? Ah oui, carrément. Et plutôt un stérilet au cuivre avec pas d'hormones, vous avez vos règles chaque mois qui seront un petit peu plus abondantes quand même que sans? Mais ça, j'ai pas trop d'avis. Ça, c'est chacune qui Moi, je serais enchantée de pas les avoir, mais symboliquement, c'est ce qui me montre aussi que je suis pas enceinte, quoi. Donc, alors il y a des femmes qui au début, effectivement, ça les inquiète. Au début, font un peu des tests, puis après, elles s'y font. Ou pas, je sais pas. Il faut faire comme vous sentez. Vous pouvez essayer de toute façon l'un, puis ça vous convient pas, passer à l'autre. Il faut essayer ce qui vous. Moi, dans l'absolu, je préférais pas avoir mes règles, généralement. Ouais. Mélanie Rock, je suis médecin généraliste. Je travaille uniquement dans le secteur de la planification familiale. Donc, je ne suis pas du tout de médecine générale, juste je suis responsable du centre de planification familiale d'IVG de la Maison des Femmes de Saint-Denis, dans le centre hospitalier de Saint-Denis. Et je travaille également au centre de planification et d'IVG de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ça fait partie de la médecine générale aussi, c'est la santé des femmes, c'est partie de la médecine générale, c'est pas quelque chose d'extrêmement pointu et spécifique. Mais c'est dommage que effectivement les gynécologues se saisissent pas du tout de ça. Ce serait tellement bien quoi, de pouvoir accoucher, avorter avec la même personne, parce que même c'est stigmatisant pour les femmes. Il me suit depuis que je suis ado, il fait mes frottis, il a suivi 3 grossesses, m'a accouché. Là, j'ai besoin d'avorter, il m'a demandé d'aller à la clinique ou machin à côté. Pourquoi? Et puis, il y a quelque chose d'idéologique derrière, quoi. Donc, voilà, c'est facile de dire, non, moi, je pratique pas. Ou... Mais lorsqu'on va faire des travaux d'extension de notre maison des femmes, on a prévu un petit bloc externe pour pouvoir faire les aspirations. Mais bon, on est l'hôpital en fait. Donc. Mais la loi, depuis 2016, la loi autorise les IVG instrumentales hors établissement de santé. Donc des centres municipaux de santé, il y en a plusieurs en Seine-Saint-Denis, qui ont commencé à pratiquer les aspirations sous anesthésie locale. Et ça c'est très bien parce que ça multiplie les... Alors c'est pas du tout pour... décharger l'hôpital de cette pratique, parce que c'est évidemment important que ça continue ici, mais ça permet de multiplier les lieux et faciliter aussi, voilà, dans l'idée je suis suivie au centre, ici on me donne ma pilule, machin, et puis le jour où j'avorte, je peux aussi faire avec la même médecin que je connais, dans le centre, avec l'infirmière que j'ai déjà vue. Cette même femme. C'est, oui, c'est bien. A peut-être ou va peut-être faire un avortement parce que c'est l'histoire des femmes. C'est l'histoire même des femmes de se retrouver en situation d'avoir une grossesse qui n'est pas souhaitée à ce moment-là. Elles l'ont fait avant la loi, elles continueront à le faire parce que c'est dans l'histoire même des femmes de pouvoir se dire non, je ne peux pas là maintenant. Je n'ai pas d'explication à donner, c'est juste que c'est pas possible pour moi maintenant. Cette inégalité physiologique, biologique, qui fait que les femmes sont les seules à porter les enfants et à les mettre au monde. Marie-Laure Brival, gynécologue, obstétricienne, anciennement chef du service de la maternité des Lilas. À pouvoir décider elle-même de combien, de quand, et si oui ou non, ou jamais. Rien, ni personne, aucune société, et c'est pourtant ce qui se passe depuis la nuit des temps, n'est en mesure de poser de telles injonctions à une femme. Il faut une véritable révolution, je dirais, culturelle dans la tête des gens, de la société tout entière, pour arrêter de penser le monde de façon manichéiste. Qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et de toujours penser, la contraception, c'est bien. C'est raisonnable. Alors, non seulement tout le monde se prévaut de cette belle réussite qui est la contraception, ça là. Donc, on a fait de la formation, les femmes ont compris, les femmes vont être très dociles et vont prendre une contraception. En plus, elles ont des contraceptions efficaces. En plus, elles ont des contraceptions sécurisées. En plus, elles ont des médecins qui vont prescrire cette contraception. Et maintenant, pour les mineurs, on met des mesures en place, elles peuvent l'avoir gratuitement. Enfin, donc. Personne ne comprend, mais pourquoi il faut faire un avortement? Et indépendamment de la question de la contraception, on peut aussi avoir un désir de grossesse à un moment donné, arrêter toute contraception, et puis au moment de reprendre une contraception, être enceinte et de se dire, mais vraiment, ça tombe mal. Bref, la question de l'ambivalence aussi, de ce que ça représente. La question de l'ambivalence. Pour décider du nombre d'enfants et pour décider de quand on les aura, il faut bien sûr la contraception, mais de façon équivalente et non pas la part sombre, le côté négatif de ça. Puisque je disais tout à l'heure que c'est un geste à très bas risque, quand ce geste il est accompagné, quand il est décidé par la femme, puisque ça se faisait dans l'intimité des foyers, je le rappelle. Et c'est comme ça que la France a fait sa transition démographique dès le début du XVIIIe siècle. Mmh. Mmh. aussi, bon, si vous aviez des photos, j'en ai. C'était, là, c'était la bergerie, donc on a supprimé la bergerie, on a fait une bibliothèque derrière. Et la maison n'a pas tellement changé. Vous êtes venu ici ? Dans cette chambre. À l'époque, c'était les gens accouchés à la maison. Il n'y avait pas de maternité. C'est meilleur ici. J'ai jamais désiré un enfant en disant je veux avoir un enfant. Mais on se retrouve enceinte, on n'a pas envie ou on a envie. Et ça, je sais pas si, moi je peux pas l'expliquer. Hein. Il m'est arrivé de me retrouver enceinte et puis je me dis bah pourquoi pas. Et cet enfant il va grandir, on l'imagine déjà. En sachant qu'on est enceinte, on l'imagine. Si on ne l'imagine pas, je sais pas comment on peut faire grossir un enfant dans son ventre alors qu'on n'imagine pas ce que ça va pouvoir être. On voit l'enfant qui va être, on se l'imagine. On ne sait pas si ça sera un garçon ou une fille, c'est pas grave. Mais on a envie d'aller au bout, quoi. Marcel, ah ben vous le verrez de l'autre côté, il est partout. On a toujours été ensemble, sauf les 6 dernières années à Brioude. Et puis un jour, eh ben, c'est arrivé qu'on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre dans le car, et puis voilà, on ne sait pas qui est venu s'asseoir à côté de l'autre, on ne sait pas pourquoi on s'est embrassé comme ça pendant tout le voyage, et on ne s'est plus quitté. Et ça, c'était à la fin de la seconde. Christiane. Je me suis retrouvée enceinte, j'étais surveillante à Haut-Puy, et mon mari était à Clermont, il était en fac après. Et c'est les copines qui étaient surveillantes, qui se sont occupées de moi. Alors, je ne sais plus du tout. On avait nos chambres de pionnes qui étaient côte à côte, là. Je ne sais pas ce qu'elles m'ont fait. Elles m'ont donné plein de cachets. Il s'est passé 3 jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai repris un petit peu conscience. Je n'étais pas inconsciente, mais je me suis rendu compte de ce qui se passait. Je perdais beaucoup. Donc, je n'étais plus enceinte. Vous perdiez beaucoup de sang. Je perdais beaucoup de sang. Et j'ai jamais voulu savoir ce qu'elle m'avait fait, quoi. Je sais qu'elle m'avait tripoté dans le vagin. Je savais pas ce qu'elle me faisait. Je savais bien que pourquoi, mais je voulais pas savoir. C'était en quelle année, ça, Christiane ? Alors ça, c'était en voilà. J'ai 80 ans. Je mélange les dates, les années maintenant. En 58. 57, 58. Et c'est Anne après qui est arrivée. Bon, on n'a rien fait. Hein, ce bébé, on n'avait pas eu celui avant et on en a eu un autre. Mais malheureusement. 2 ans après, je me retrouve enceinte de nouveau. Ah non, c'était trop. Hein, ça va, mais. Donc, on s'est dit non, c'est pas possible. Alors, on a recherché pour essayer de trouver. Et puis, on a un copain qui nous a trouvé une sonde. Et puis, ben, on a fait ça tous les deux avec mon mari. C'est lui qui m'a aidé à mettre la sonde. Le plus difficile, c'est qu'il fallait bien l'introduire et puis sans percer l'utérus, quoi. Il fallait le mettre bien en place, quoi. On avait regardé quand même des bouquins de médecine. On avait des vieux bouquins. On savait comment, un peu. Avec votre petite fille qui dormait à côté. Alors, notre fille, elle dormait dans la chambre. Et nous, on a fait ça dans la cuisine, sur la table de la cuisine, comme tout le monde à l'époque. Hein. Donc, on mettait les jambes repliées tout au bout de la table, comme à l'hôpital, quand on est sur une table chez le médecin, chez le gynéco. Hein. Mais sauf qu'on n'a pas de truc pour poser les pieds, donc il fallait être tout au bord de la table, et puis mettre les pieds sur le bord de la table et avoir le sexe tout près du bord pour qu'il soit bien accessible, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est. Les tables en formicale, c'était bien pour ça. C'était fait exprès. Et alors la sonde, elle s'est bien mise. Il fallait la coller sur la cuisse avec un sparadrap pour qu'elle tienne bien. Et au bout de 2-3 jours, je vais aux toilettes sur le bidet. Et puis, je vois des petits caillots de sang. Puis un plus gros, je regarde. Mais ça ressemblait un petit peu, j'avais une genre de queue, ça ressemblait un petit peu à un fœtus. Avec... Et puis je dis à mon mari, ben ça y est, c'est bon, hein, c'est... j'ai évacué tout, ça y est, je saigne de nouveau, c'est bon. Puis 2 jours après, je me retrouve en classe avec mes élèves. D'un seul coup, mais comme un flux de sang qui me coule entre les jambes, mais fort, alors ça coulait. Le médecin arrive et puis il me regarde. Il me dit, ben, vous faites une fausse couche, madame. Enfin, on va dire ça. Hein. Il avait bien compris. Donc, il dit à mon mari, je vais lui faire un curetage digital. Il faudra bien me la tenir parce qu'il ne faudra pas qu'elle bouge. Hein. Parce qu'avec le doigt, il faut qu'il aille dans l'utérus pour ressortir, pour qu'il ne reste rien sur les parois. Il n'avait pas de curette, il n'avait rien pour le faire comme on le fait quand on fait un... Et puis quand on fait un avortement, on est un petit peu endormi. Là, c'était à vif, quoi. Et effectivement, c'est pas quelque chose dont on ne se souvient pas. Vous vous souvenez pourquoi, à un moment, on se dit, ben non, là, on n'a pas envie d'un deuxième enfant? On n'en avait pas envie, on en avait une, et ça nous suffisait. En plus, s'il y avait autre chose, c'est que mon mari n'avait pas fait son service militaire, il avait son sursis. Et il y avait la guerre d'Algérie. Donc, il fallait qu'ils partent et on allait j'allais me retrouver toute seule. Et on avait des copains quand même qui étaient morts à la guerre, hein, en Algérie. Donc, c'est vrai que c'était pas le moment d'avoir un autre enfant dans notre tête. Et puis, on n'en avait pas envie, c'est tout. Hein. Et puis, l'avortement, pour nous, ça semblait quelque chose de naturel. Si on veut un enfant, on l'a. Si on n'en veut pas, on n'en a pas, quoi. Et après, la guerre d'Algérie se termine. Pas longtemps après, moi, je me retrouve enceinte. Bon, plus de problème, puisque la guerre d'Algérie était finie, on savait très bien qu'il partirait pas, qu'il allait faire son service militaire à côté de moi, donc bon, un deuxième, pourquoi pas, après tout. Et puis c'est là que Serge est né, quoi. Et dès le début, cet enfant-là, ben, on l'a pas rejeté comme on avait rejeté ceux dont j'avais avorté. Alors, Serge est né, mon mari est au service militaire, moi je continuais toute seule. Et il revient, donc c'était le bonheur quand il est revenu, et je me retrouve enceinte. Et puis là, et ben, après tout, oh, pff, 2-3, c'est pas grave. Donc Sylvie est née. Entre-temps, là, j'avais été voir mon médecin, on avait droit à la contraception, il me donne la contraception, pas de problème, c'était le grand bonheur. Et puis, bon, vacances, un remplaçant, je vais faire renouveler ma pilule. Il me dit, bah, je ne peux pas vous donner la pilule, vous n'avez que 27 ans et vous n'avez que 3 enfants, je ne vais quand même pas vous donner la pilule. Donc c'est un médecin qui était contre la pilule, contre la contraception, qui a refusé de me renouveler la pilule que me donnait mon médecin. Et en 66, je me retrouve enceinte. Alors, on avait encore la sonde, on a mis la sonde, et puis tout est parti. Mais là, vraiment, ça, c'était quelque chose de banal. Hein. C'est quelque chose qu'on a fait parce que la sonde, après, on l'a passée à d'autres. Hein, octobre. Ouais, ok, ça marche. Je vais vous allonger. Hop. Je vais baisser la lumière, on verra mieux. Pardon. Alors, vous allez mettre le pantalon un petit peu bas comme ça. Juste un petit peu plus bas sur les hanches. Parfait. Donc, un peu frais. Je mets du gel. Alors, l'écran de l'appareil d'écho, je tourne que vers moi ou vers nous deux? Je veux bien voir comme ça. Vous voulez? Oui. Ok, bon, on voit pas très bien. Déjà parce que l'appareil n'est pas fantastique. Mais donc voilà, on voit quand même qu'il y a une grossesse qui est placée à l'intérieur de l'utérus, qui est petite pour le moment. Mm-hmm. On voit juste ce qu'on appelle le sac gestationnel. C'est l'œuf, on dit des fois aussi. D'accord. Ok, donc c'est une petite grossesse. A priori, c'est même à peine 3 semaines de grossesse. D'accord. D'accord. Vous savez ce que vous allez faire avec cette grossesse? Je vais avorter. Elle est avortée. Ouais. Vous allez retourner voir ma collègue et puis elle va regarder avec vous ce qu'on peut vous proposer, les dates. Aucune méthode n'est efficace à 100%. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Le stérilet est plus efficace que la pilule, qui est plus efficace Nathalie que Bajos. Le préservatif, qui est plus efficace, etc. Démographe, chercheuse santé publique, mais là, la directrice de recherche à l'INSERM. C'est une question complexe parce que le préservatif, même le retrait, peut être une méthode très efficace. Mais dans un couple où la femme a un cycle extrêmement régulier, où les partenaires se connaissent, etc., il y a des études qui montrent que c'est extrêmement efficace. Mais si vous allez préconiser le retrait à une femme qui débute une vie sexuelle avec un partenaire qu'elle ne connaît pas, ou à une jeune qui n'a pas du tout un cycle régulier, voilà. Toujours est-il qu'aucune méthode de contraception n'est efficace à 100%. Il y aura toujours des échecs de contraception. Et il y aura toujours aussi des moments où on a des rapports sexuels qui ne sont pas prévus et que voilà, tout le monde peut avoir un désir très fort d'avoir un rapport sexuel et se retrouver sans contraception. Donc il y aura toujours des échecs de contraception. Donc il y aura toujours besoin de pouvoir interrompre une grossesse qu'on ne veut pas poursuivre. C'est à peu près 60% des grossesses non prévues sont interrompues et 40% donnent lieu à la poursuite de la grossesse et donc à la naissance d'un enfant. Donc c'est illusoire de penser au nombre zéro d'avortements. Deux, si les IVG ne baissent pas, soi-disant, c'est pas parce que la contraception n'est pas efficace du tout, elle l'est. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe contraceptif. Parce que c'est un argument qui est utilisé par les gens pour dire « Oui, mais pourquoi ça baisse pas? Pourquoi ça baisse pas ?» Bah, regardez pourquoi ça baisse pas. D'abord, ça baisse. Le nombre total d'IVG, c'est des IVG dits, là je parle comme une démographe, de rang 1, donc des premières IVG. Et il y a aussi des IVG de rang 2 ou 3, des femmes qui en sont à leur deuxième ou troisième IVG. Ça fait le nombre total d'IVG. Si vous regardez les premières IVG, il y en a moins qu'avant. Et ce qui a un peu augmenté, c'est les IVG de rang 2 ou 3, des femmes qui en ont 2 ou 3. Alors, pourquoi les IVG de rang 2 ou 3 ont augmenté? Ben parce que l'écart entre le premier rapport sexuel et la première maternité a augmenté de 5 ans au cours de ces dernières décennies. L'âge au premier rapport sexuel bouge pratiquement pas dans le temps. Mais l'âge à la première maternité a changé parce que la norme procréative a changé. Avant, c'était dans les années 70, premier enfant à 25 ans. Maintenant, c'est plutôt autour de 30 ans. Donc, comme le premier rapport sexuel n'a pas bougé, entre 1975 et aujourd'hui, les femmes sont, entre guillemets, exposées 5 ans de plus à une période où elles ont une sexualité fréquente, un âge où elles sont particulièrement fertiles, on est plus fertile à 25 ans qu'à 50, et donc le nombre de rapports sexuels qu'on a où on ne veut pas être enceinte est plus important parce que la société dit pas de premier enfant avant 29-30 ans, etc., etc. Donc statistiquement, le risque de grossesse est plus important, donc il y a plus d'IVG de rang 2. L'IVG, c'est un acte d'adhésion à la norme procréative. Et donc, si vous regardez sur le long terme, ce qui s'est passé, c'est que depuis que la contraception existe, on a observé une diffusion croissante des méthodes efficaces de contraception, notamment de la pilule et du stérilet, une baisse très nette du recours au retrait et une augmentation du préservatif à cause du sida. Donc la couverture contraceptive française est beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Donc il y a eu moins de grossesses non prévues. Simplement, d'un côté, vous avez moins de grossesses non prévues, mais dans le même temps, vous avez la probabilité d'avoir recours, d'interrompre une grossesse non prévue qui augmente. Et donc, statistiquement, les deux courbes s'annulent. Vous prenez une IVG à 27 ans, aujourd'hui, elle va être beaucoup plus souvent interrompue que il y a quelques années où elle était beaucoup plus souvent poursuivie parce que la femme, elle était dans la norme procréative en ayant un enfant à 27 ans. Aujourd'hui, si elle est en train de faire des études, elle n'est pas dans la norme. Il faut qu'elle finisse, qu'elle ait un boulot. Elle respecte la norme procréative. Très vite, Colline, dès la première séance, je crois me souvenir, vous étiez association AGAPA, association pour renaître après un avortement. D'essayer de prendre soin de cette histoire, de se pencher sur cette histoire, de la relire et d'essayer de donner du sens aussi à ce qui s'était passé. Oui, bien sûr, c'est une perte, bien sûr, c'est un deuil. Et aussi, tout de suite, ça revient sur nous, en fait, sur plein de thèmes qu'on a abordés ensemble, en fait. Le deuil, le pardon, le regard des autres, le pardon de soi-même aussi. Pourquoi ? D'avoir été si bête, de ne pas avoir pris encore plus de précautions, d'avoir... c'est ce que c'est arrivé, en fait, tout simplement. Ouais. On a l'impression d'avoir fauté ? Ouais, vraiment, ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, ouais. Dès la nouvelle, ça a été assez très violent. Et également, l'avortement a été très violent. Le après également, puisque concrètement, j'ai vraiment fait une dépression. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi et j'ai même tout arrêté. Rien n'avait de sens après. Oui, tout de suite, je rentre dans le cœur du sujet, mais bon, ouais. Ça parle de ça. Et c'est vrai qu'après, la vie reprend son cours. Et puis, petit à petit, je suis sortie de cet immobilisme-là. Mais la violence, elle était toujours là. Sauf que mon mental me disait « Non, ça va, tu peux continuer. » Mais mon corps, lui, avait bien compris que j'avais pas digéré. Lors de notre première rencontre, d'ailleurs, c'est vraiment, j'en ai parlé, et je vous ai dit, chaque année, j'ai des manifestations corporelles hyper violentes autour du ventre et de mes parties sexuelles. Presque à une date anniversaire, quand je vous disais que mon corps s'exprimait, mais vraiment, et pas de façon douceâtre, quoi. Donc, il y a des douleurs. Ah, mais des douleurs, vraiment. Ça a commencé juste après l'avortement, 3 mois après. J'étais hospitalisée pendant une semaine, où personne ne savait ce que j'avais. Et c'était hyper violent, et c'était le ventre. Et puis, un an plus tard, encore d'autres... mais sans vraiment un diagnostic précis. Donc, vous avez super mal physiquement, mais il n'y a pas de diagnostic. Mais en même temps, c'est là, donc... Je pense qu'à partir du moment où il y a une perte... On a un chemin de deuil à vivre. Ça m'a sauté au cœur. C'était assez flagrant parce que ça a été une bonne chose que ça se passe comme ça. J'ai tendu une feuille avec plein de crayons. Je me suis dit, bon, ok, arbre généalogique, j'avais jamais fait ça. Je me suis. C'est ça qui est terrible, je dirais. Et en fait, dans ma tête et dans mon cœur. On a commencé à faire des liens. Je dirais, quand je me suis retrouvée près de Dieu, ça de me dire j'ai fait ça. Marie. Et quand j'y repense, je me dis non. Avec ce que j'étais à ce moment-là, je n'étais pas capable de faire autre chose. Alors, il faut dire que réellement, je me sentais pas d'avoir ce troisième enfant aussitôt. On n'avait pas de problème pour vivre, et cet enfant aurait pu être accueilli, sauf que effectivement, voilà. Ça a été la première chose qui m'a fait mal et dont j'ai eu besoin de parler à un prêtre, c'était que finalement, en plus, moi, c'était pour mon confort, parce que je me sentais pas d'avoir ces enfants à ce moment-là. Et donc j'ai refusé ces enfants et j'ai vraiment ressenti ça comme c'était déjà un enfant. C'était des jumeaux. Je sais pas, je pense que c'était des faux jumeaux puisque ça c'est important. C'est idiot. Non, mais c'est parce que j'avais des prénoms en tête. Voilà. Que ces enfants existent dans l'au-delà, auprès de Dieu, et que... Voilà. Tout ce qui me reste, c'est quand même très vieux, puisque, oui, ça fait plus de 55 ans. Ce qui me reste, c'est ça, c'est le déroulement, la douleur, et puis voilà. Mais après, les détails, je ne me rappelle pas du tout. On peut pas... c'est pas stéréotypé, c'est pas systématique, mais ça fait vraiment partie quand même de l'histoire de l'avortement, quoi. Et nous, ce qui nous frappe aussi beaucoup, c'est qu'on reçoit à Agapa des personnes qui viennent comme Colline quelques années après, voire tout de suite après. Et on reçoit aussi des personnes qui viennent 20, 10, 20, 30, 40 ans après l'événement et qui peuvent nous dire, moi j'ai avorté il y a 20 ans, sur le moment ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, je n'ai pas pensé plus que ça dans ma vie. Et puis il y a un moment donné, un événement, je sais pas, une fille qui fait une fausse couche ou qui avorte, et paf, ça revient comme un boomerang. Oui. Mais écoutez, quel est votre problème? Vous attendez un bébé. Bon. Et vous êtes en difficulté. Vous savez que votre bébé est un petit être humain qui vit en vous, qui dépend de vous, dont vous êtes la maman déjà, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'impression, mais c'est pourtant comme ça. Vous comprenez? Mais non, vous êtes à la sécurité sociale. Archive, Lucie Olivier. Vous êtes à la sécurité sociale, vous êtes prise en charge. N'est-ce pas? Tout ne coûte pas de l'argent tout de même. N'est-ce pas? Comment vous appelez? Un prénom? Marguerite. Alors, écoutez, Marguerite. Si vous gardez votre bébé, vous allez peut-être avoir des difficultés. Mais de toute façon, vous aurez gardé votre enfant. Mais si vous faites ce que vous pensez, n'est-ce pas? Vous allez détruire votre enfant. Et c'est la seule chose qui soit irréparable. Vous comprenez? Nous voulons sauver des bébés. Nous voulions un contact direct avec les femmes ayant le projet de recourir à l'avortement pour les en dissuader. Et nous avons mis au point une procédure pour éviter les problèmes juridiques. Marie-Philippe, Congrès des familles 2019. Nous ne voulons pas nous présenter comme pro-vie ou même chrétiens. Car si nous le faisions, les femmes ne nous appelleraient pas. Depuis 10 ans, nous sauvons environ 1500 bébés par an. Nous les sauvons un par un. Je vais vous dire comment nous le faisons. En 2018, nous avons créé un site internet IVG.net que vous pouvez trouver sur vos smartphones. Le site n'a pas pour but d'argumenter au niveau politique, religieux ou moral. Souvent, l'appel est très direct. Où puis-je avorter? Comment cela se passe-t-il? Avez-vous des adresses? Bien sûr, nous ne les orientons pas vers les abortoirs et nous évitons de donner des renseignements incitatifs. Nous ouvrons le dialogue. Les aidons dans leur liberté à faire le choix de l'espérance. Et nous insistons beaucoup sur les risques psychologiques et médicaux de l'avortement. Quelle est la première victime de l'avortement? C'est les personnes qui sont privées de l'être qui auraient pu vivre. Et donc, du coup, c'est ses frères et sœurs. Émile Duport. Qu'on accepte comme un fait et comme un bienfait. C'est ça qui me fait honte. Publicitaire et militant pro-vie. Qu'il y ait une femme sur deux qui avorte, c'est un contexte de société, de confort, où on a la capacité de se projeter. On a une vie où on peut construire des plans, entre guillemets, on n'est pas un pays en guerre, etc. Donc, quelque part, que l'avortement se développe dans des sociétés de confort. Bien que je ne dis pas que l'avortement soit quelque chose de confort, attention, dans une société de confort que l'avortement se développe, je peux l'entendre, mais qu'on en vienne à considérer ça comme un bienfait et une progression sociale, là ça me fait honte. Alors on joue avec la vie, c'est pourquoi nous nous sentons responsables. C'est parce que c'est une question de vie ou de mort. Quand une maman nous téléphone, elle nous dit le plus souvent, je suis enceinte. Et nous, vous attendiez un bébé pour quand? Et elle, enceinte, et nous, le bébé. Le bébé, il est de l'entretien, dépendra sa vie ou sa mort, il a bien le droit d'y assister au moins un peu. Il change le cœur et qu'il est libre. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est les survivants? Pour être tout à fait franc, ça reste une intuition de communication quand même. Moi, je suis communicant. C'est le fait de dire, qu'as-tu fait de mon frère? C'est la question de l'humanité fondamentale, hein, enfin, que Dieu pose à Caïn, mais que on doit tous se poser. Enfin, c'est finalement le lien de la solidarité sociale, c'est, le lien de, c'est la question qui doit prévaloir dans le cœur de chaque personne. Qu'as-tu fait de ton frère ? Enfin, on est responsables les uns des autres. On n'est pas des individus laissés comme ça, sur Terre. Enfin, il y a une phrase qui est célèbre, mais personne n'est une île. Et c'est ça l'intuition du survivant. C'est l'idée de dire qu'en fait, on est tous interconnectés et qu'il y a une responsabilité collégiale, justement pour décharger les épaules des femmes. On nous a accusé de vouloir accuser les femmes, alors que précisément, l'intuition des survivants, c'est de dire non. C'est justement, on vient décharger en disant « Je suis là pour porter ton fardeau parce que moi, je le partage, je le comprends et je sais ce que t'as dû vivre. Moi, je pense, hein, bon, ça c'est mon analyse, je suis pas sociologue, mais dans une espèce de féminisme guerrier qui vient aujourd'hui opposer les hommes et les femmes dans une espèce de guerre mais complètement absurde alors qu'on est censé danser ensemble, faire l'amour, se séduire et que là, on en arrive à se taper les uns sur les autres, enfin, arriver à faire une guerre des genres, c'est quand même... Si c'est pas le fruit de l'avortement et de la démission des hommes qui ont fait des entrailles des femmes un lieu de déception au lieu d'un lieu de réconfort, je me demande ce que c'est. Et moi, je suis persuadé que, pour avoir rencontré beaucoup de féministes qui voulaient faire obstacle à mes actions de rue, par exemple, et qui étaient finalement pas si violentes que ça une fois que je m'approchais d'elles, c'est que j'ai senti une souffrance immense et j'ai jamais eu ni de mépris, ni de haine pour les gens qui s'opposent à moi, parce que souvent je vois plus de souffrance que de lutte idéologique. Je pense que c'est... La maternité est un mystère, mais en fait, j'ai jamais vu personne pleurer parce qu'il avait un enfant, quoi. Alors j'ai vu beaucoup de gens pleurer parce qu'ils avaient avorté. Donc je me suis fait ma conviction, quoi. Il y a un principe moral de base et qui est appuyé par la science, c'est qu'effectivement, le zygote, la cellule embryonnaire, aujourd'hui, on le sait, possède toute l'information génétique qui fera Isabelle ou Émile. Enfin, je veux dire, c'est jusqu'au grain de beauté sur la fesse. Mais on n'avance pas en disant ça parce qu'en fait, c'est un mystère et qui va s'apitoyer d'une cellule embryonnaire ? Enfin, quand on dit c'est un tas de cellules, même s'ils ressemblent un petit peu, un embryon c'est pas beau, un fœtus c'est pas beau, on peut pas s'apitoyer contre ça, donc en fait c'est très difficile aujourd'hui de dire « Ah bah oui, c'est un être humain ». Même si la science le dit, moi je suis contre les gens qui disent c'est pas un être humain, enfin, la science aujourd'hui elle a tranché sur ce sujet-là, elle sait que c'est un être humain. Donc même la part de subjectivité d'une femme qui peut regretter un avortement n'est plus tolérable, parce qu'en fait ça vient remettre les gens face à leur responsabilité morale. S'il n'y avait pas de densité morale dans l'avortement, ça ne créerait pas de scandale. C'est bien qu'il y a un problème moral, c'est qu'à dire on ne veut pas reconnaître que finalement derrière l'avortement il y a un défi de vie qui nous concerne tous, quoi. Et de la même manière que les femmes qui ont fait des fausses couches s'appellent les mamanges, les mamans d'un ange, eh bien, la même manière, en fait, il peut y avoir une réconciliation en nommant l'enfant et en reconnaissant qu'il a une existence. Toute la schizophrénie de notre droit actuel, c'est qu'en fait, c'est un être humain, c'est indubitable. On revient au droit à l'enfant qui agite aujourd'hui le débat avec la PMA et la GPA, mais on est à la même racine. L'avortement, c'est la racine de tout, hein. À partir du moment où on a le droit de disposer de la vie d'un fœtus ou d'une cellule embryonnaire, c'est complètement schizophrénique parce que ça a l'air de dire que le désir fonde la nature de l'existence, la dignité de l'existence. Et en fait, on peut pas construire un contrat social là-dessus. C'est juste impossible. Enfin, c'est assez ahurissant qu'on arrive à considérer qu'on puisse fabriquer des enfants en batterie, mais qu'on s'oppose à la fabrication des poulets en batterie. Il y a une espèce de haine de nous-mêmes. Et d'ailleurs, l'antispécisme se nourrit de ça. Je pense que ça raconte le fait qu'on considère qu'à partir de là, il y a un développement qui fait qu'on voit davantage la personne. L'embryon devient un vrai fœtus à ce moment-là. Voilà, qu'il y aurait un passage embryon-fœtus, qui est encore une fois une limite arbitraire, mais un fœtus qui du coup serait un être qui ressemble à une personne, avec des membres, une tête... Lisa Kerayon, qui ressemble à un bébé, quoi. Maître de conférence, droit privé et sciences criminelles. Plus incertain. Mais là encore, c'est une question de regard social, parce que pour quelqu'un qui serait spécialiste de l'embryologie, bah, en fait, déjà à 8 semaines, il voit ce qui peut être un humain adulte, quoi. Et alors après, il y a aussi une question technique qu'il faut pas négliger aussi de la part des personnes qui pratiquent l'avortement. C'est-à-dire que souvent, il a été dit que plus l'embryon se développe, si moi je prends le parti de toujours parler d'embryon comme un objet qui serait pas un objet biologique. Il y a pas mal de soignants qui disent que c'est vrai qu'il y a une différence technique dans le fait de faire le geste de l'avortement, qui est que plus l'embryon est développé, et plus il est compliqué de l'extraire, et plus ça va supposer éventuellement de fractionner le fœtus pour le retirer. Et que moi, je veux bien croire, même si je ne l'ai jamais vu de mes yeux et fait de mes mains, que sortir un petit bout qui ressemble à un bras... Bon, bah oui, ça doit pas être agréable, je l'entends tout à fait, parce que on n'est pas exempt de nos représentations sociales et que ça donne l'impression d'un corps de bébé fractionné. Je l'entends tout à fait. Mais la question, c'est pourquoi on le fait ? Pour qui ? Oui, ça doit être difficile de le faire, j'entends. Mais comme il y a beaucoup d'autres gestes qui doivent être difficiles à faire quand on est soignant, ça doit être difficile d'endormir quelqu'un jusqu'à la mort, ça doit être difficile d'amputer quelqu'un, même si on sait que c'est pour son bien, ça doit être difficile de pratiquer une stérilisation sur une personne qui n'a pas toutes ses compétences mentales, mais parce qu'on pense que c'est la meilleure chose pour elle. Enfin, il y a plein de gestes qui sont difficiles dans la médecine, je l'entends tout à fait. Est-ce que pour autant, ça doit être la cause d'une modification, enfin d'une règle qui pose une limite à la liberté des femmes qui choisissent de le faire, ça c'est une autre question. Le principe de la science biologique, théoriquement du moins, c'est la description. Donc, c'est-à-dire qu'on va décrire différents stades d'évolution du développement de l'embryon. D'abord, il y a tant de cellules, à partir de telle période, elles se divisent de telle façon, à tel moment, on voit l'apparition d'un système nerveux central, de membres. Enfin, après, les conséquences qu'on en tire, socialement, juridiquement, c'est une autre question. Mais la science elle-même, c'est une activité humaine qui est prise dans un contexte social. Les scientifiques ne sont pas moins pris dans le social que tout le monde. Donc la science, elle décrit, elle essaye de le faire le plus objectivement possible, même si elle est prise dans ses propres contraintes sociales. Et puis après, on peut choisir ou non de prendre quelque chose de ça pour en faire une norme. Mais on n'est pas obligé. C'est un choix. Selon moi, le critère, c'est est-ce qu'on considère qu'avant la naissance, on protège le fœtus comme on protège une personne vivante ? Selon moi, non. Et c'est pas que une question de liberté des femmes sur leur corps. C'est aussi une question philosophique, mais qui est vraiment hors du droit, pour le coup. Qui est une position, qui est de dire que ce qui fait la personne au sens du droit, c'est le fait d'être né, d'être un corps indépendant d'un autre corps, c'est le fait d'avoir... une potentialité de développement indépendant. Et là aussi, on voit que philosophiquement, c'est pas simple. Parce que c'est pas non plus forcément la conscience, c'est pas non plus forcément la capacité intellectuelle, parce que sinon, on voit qu'on tombe dans d'autres choses difficiles. La limite, elle est compliquée à mettre, et selon moi, c'est pour ça qu'elle doit être mise là. Parce que si on dit que c'est la conscience, ça veut dire que il y a certains êtres humains nés qui n'y ont pas accès. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où on découvre qu'il y a une conscience prénatale ? Ce qui n'est pas impossible, non ? Peut-être. Pour terminer, pour vérifier que tout est bien passé. D'accord. À court d'arguments, les mouvements anti-IVG ont cherché d'autres arguments pour dire aux femmes « Attention, c'est dangereux d'avoir une IVG ». Et donc, il y a eu, et ça nous vient des États-Unis, première série d'articles de la part de gynécologues outre-Atlantique anti-avortement qui postulaient l'existence d'un syndrome post-traumatique donc sous-entendant le traumatisme de l'IVG. Donc l'IVG, c'est forcément un traumatisme. Donc on va aller regarder si les femmes qui ont une IVG, elles sont pas victimes de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, qui est pas spécifique à l'IVG, hein. C'est tout événement traumatisant provoque des troubles psychiques importants. Il y a même des sites aujourd'hui en France qui alertent les femmes sur attention, pas d'IVG parce que risque de syndrome post-traumatique. Il y en a même qui disent qu'elles seront plus fertiles après, etc. Toutes choses qui sont totalement non fondées scientifiquement. Et en fait, l'erreur de raisonnement, elle est assez simple. C'est que dans ces études-là, ils comparent un groupe de femmes qui a eu une IVG à un groupe de femmes qui n'en a pas eu, avec des échelles de santé mentale qui sont très discutables par ailleurs. Et ils trouvent qu'il y a plus de problèmes de santé mentale dans le groupe IVG que dans le groupe pas IVG. Sauf que ce qu'ils ne regardent pas, et donc ils disent c'est à cause de l'IVG. Mais sauf que le béaba de l'enquête épidémiologique, c'est pas de regarder s'il y a plus de problèmes psychologiques, psychiques après l'IVG, mais c'est de regarder si ça existait avant ou pas. Et en fait, les études montrent que, effectivement, avant l'IVG, les femmes, si vous prenez deux groupes de femmes qui vont avoir tous les deux femmes qui sont toutes avec des grossesses non prévues, et vous comparez celles qui vont interrompre et celles qui vont poursuivre la grossesse. En fait, celles qui vont l'interrompre, elles ont plus de problèmes parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont dans des situations de grande précarité. Et du coup, être en situation de précarité, être seule, venir de se faire en rupture amoureuse. Finalement, quand on vient de vivre une rupture amoureuse et que c'est pour ça qu'on fait une IVG, on n'est pas au mieux de sa forme, mais c'est pas tant l'IVG que la rupture amoureuse qui fait que... Donc en fait, l'IVG ne change rien. Et les rapports sont sans appel, quoi. Ce syndrome post-traumatique, rien ne prouve qu'il existe. Pour parler comme une scientifique, c'est pas il n'existe pas, mais en tout cas, il y a aucune étude qui prouve de qualité qui prouve qu'il existe. Et il n'y a pas de raison non plus d'hypothèse sociologique pour penser qu'il existe. J'ai peur que parce que je ne peux pas faire jusqu'à quel mois ? Jusqu'à 3 mois, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps parce que vous avez encore un mois. Ah oui ? Ouais, donc ça va, tout va bien. Donc vous voulez faire l'avortement ? Oui, parce que ma fille, elle est trop petite. Mais petite, oui. Quel âge elle a ? 9 mois. Oh là là, oui, elle est petite. Ok, donc. Donc vous avez 21 ans, c'est ça ? Oui. Vous avez combien d'enfants ? Deux. Deux, donc le premier c'est un garçon, c'est ça ? Et donc elle est née à Gonesse aussi ? Oui. Normal, par voie basse ? Oui, c'est normal. D'accord. Et ça va bien ? Elle va bien en direct ? Oui, j'ai couché à 7 mois. À 7 mois, d'accord. Et vous l'allaitez encore ? Oui. Ouais. Avortement, vous avez... C'était la série documentaire. Avortement, le pouvoir du médecin. Les choix des femmes. Avec Christiane, les femmes de la Maison des femmes de Saint-Denis, Marie, Mélanie Auroc, Mallory, Latifa, Émile Duport, Marie-Laure Brival, Nathalie Bajos, Lisa Carayon, Colline et l'association Agapa. Merci à toutes les femmes et à toute l'équipe de la Maison des femmes de Saint-Denis. Merci aux archives du planning familial de Paris, à l'INA, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son, Nicolas Mathias, mixage Bruno Mourlon, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. Mais c'est pas bien pour ça, là. C'est le but, il dit comme ça. Ouais. C'est pas... Et vous, vous pensez quoi ? Je sais pas, c'est la vie. C'est la vie. Parce que je peux pas aimer la petite. Vous vous sentez pas prête, là. Oui. Bon, en tout cas, vous avez le droit. Je ne sais pas ce qu'il dit le Dieu, mais la loi, elle dit que vous avez le droit de faire un avortement et que vous êtes dans les temps pour faire un avortement. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de réfléchir un petit peu ou pour vous, vous êtes décidé, c'est sûr ? Non, je suis décidée. Oui. Avorteuses, avortées, multipares, nullipares, mères isolées ou familles nombreuses, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'hôpital, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons lire des livres cultes.